ta ki le bweso Komanse nan yo jwet ka Nan pon la kou Sepandan, ma mi yo ki an pil Ni fini, pa pon yon habitude Sa rete pou yo yon mani Nan ma viti Gen lòk ki men ki kiske sa Lè yo sou y ap perjime E ap fè de gap On a mi Kè son da monter chaque vendredi, aller gratter y'a flotte comme eux, les icaillés, à une bouteille des rêves. Vite l'honneur, aller au prix que des icaillés. Fenaille, ouais, pour son wash des petits. Mais chaque jour, leur fin travail, où je vais au bocaille, madame, non, mais pour le crédit, pour pas j'en payer. Mais si garçon acheté crédit, faut qu'à pas payer madame, non. Gardez mon cher acheté crédit, faut qu'à pas payer crédit. C'est monté chaque vendredi, à dégrader, y'a d'autres honneurs. Les icaillés, à qui vous êtes les reins. Vite l'honneur, à l'ouvrir et les irats. Fenaille, ouais, poisson, acheter crédit. Mais chaque jour, leur fin travail, c'est jeté au bocaille, madame. Non, mais pour le crédit, pas j'aime les payer. Mais si garçon acheté crédit, faut qu'à pas payer madame, non. Gardez mon chien acheté crédit, faut qu'à pas payer crédit. Yeah. merci la pape, j'en comprends de moi d'amour, l'envie c'est sérieux. Dis toujours comprendre que ma poule est là. Merci bébé à tes comptes, dis j'en veux des remèdes. Gayon bébé comme moi, remède. Même si la Seigneur bébé, comme moi d'amour depuis longtemps. Mais même si la femme, j'en comprends, moi d'amour, là oui, c'est sérieux. Dis toujours comprendre que ma poule est là. Mais si bébé a des comptes, qui chante comme des remèdes. We'll be right back.

Thank you. Et puis non, votre wap souffle pour moi. Ni bagay moun qui cap remplacé ou. A mon moment, bagay pareil. En ce moment, c'est plus quoi cadeau. Autant d'un fois, c'est plus quoi douleur. En ce moment, c'est plus quoi cadeau. Autant d'un fois, c'est plus quoi douleur. Affection, maman, bagay comme ça. Le map soudi avant mal dormi. Wap chantons dodo titi. Grap nan kalanou. sauvé, pour sauvé, fait sauvé, pas vrai total. Mais foulé ou mettre sauté ou mettre pompé, pas vrai total. Pas vrai total, pas vrai total, quand y'a haut, en y'a haut. mes parents qui parlaient. Le père et mère, parents pas de bonheur. Les troupes séries, pense qu'aux musiciens. C'est sa père, parents pas de bonheur. Ces belles bagailles, l'on nomme musicien. Comme un public, quoi peut-elle musique. Tout dit que content, même tout dit que encore. Oh mon Dieu, fais-tu mes adjoints.

sali. aucun noir combat direct. De temps en temps, d'autres rappels changent. Yo t'attends cette prise, aucun noir combat direct. De temps en temps, d'autres rappels changent. You are gone. pas poder t'encontrer à bout Parce que ça caresse, ça ouvre, ça soleil Si on peut te tisser, ma poder, si t'encontrer à bout Parce que ça caresse, ça ouvre, ça soleil Parce que ça caresse, ça ouvre, ça soleil Parce que ça caresse, ça ouvre, ça soleil Papa, ma poder, ça peut exister T'apprendrai à vous Parce que ça caresse Ça ouvre, ça soleil Si on peut t'exister Pas pas d'être T'apprendrai à vous Parce que ça caresse Ça ouvre, ça soleil A busquer Bonheur Du sac qui va nous passer la journée. Mais moi, on dit pleurer tant, mettre la joie dans le cœur. Pas que la chose sous terre, ça la vie t'a bien. Pas t'a bien jalousie, pas t'a bien tripotaille, pas t'a bien souci. Mais c'est bonheur que tout vivant a bousqué. Bonheur, qui ça qui va nous? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est la joie? Mais oui, on t'y pleure, mais comme la joie dans le cœur. Thank you.